Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde et bienvenue sur La Réalité Augmentée, la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et avec moi, Daniel Carosella. Oui, on est deux, on est... Parce qu'on est mâle, parce qu'on est violent. C'est oui, quasiment c'est... la thématique du show. Ouais, presque. Quasiment, on ne pense à pas grand chose. Ça va prendre une méchante drop à la deuxième moitié du show. Parce que, pour expliquer, aujourd'hui, moi, j'ai une chronique que je voulais faire sur John Wick 2. Ben, en fait, que je vais faire. Mm-hmm. Et Daniel s'est dit, ben là, thématique, mâle, on va faire For Honor de Ubisoft. Oui. Et je suis comme, yes! Et là, ben, comme vous entendez, Luc et Jonathan sont pas là. Mais Jonathan, il dit, non, non, mais moi, j'y joue, je vais le faire avec toi. Fait que là, Daniel, je fais comme, ben, je vais attendre d'abord. Fait que là, Daniel, il dit, ben, OK, je vais faire Halo Wars 2. Là, Luc, il lève sa main, il fait comme, non, non, moi aussi, je veux... Fait que là, il va faire Pucci Yoshi, là, ça va être sweet. C'est ça, fait que, tu sais, c'est ça. Hein? Écoute, je prends... Yoshi! Écoute, c'est... Vraiment, on s'adresse au même public, toi pis moi. C'est exactement ça, on s'est dit, thématique violente. Ah. À TV! Ouais, t'es cœur. Ben, c'est vrai que... Ah, là, j'allais dire de quoi, tu sais, on s'entend que John Wick, c'est plus un public adulte. Ouais. Ben, Yoshi, il avale quand même. Fait que... fait que... C'est ça. Merci. Monsieur Lien. Merci. J'ai pas de mérite. Ah, écoute. Ça, c'est naturel. Tu fais ça naturellement. Tu voulais nous parler en début, par contre, d'une nouvelle du côté du Journal de Montréal par rapport au cégep de Madame qui fait du e-sport, un de ses programmes. Ça a soulevé un tollé. Il y a des gens, des baby boomers qui comprennent pas. Et ils ont soulevé une question et tu voulais l'amener sur le show. Ben, c'est juste pas très longtemps. Là, mais c'est juste que, bon, il y a une chroniqueuse qui s'appelle Lise Ravary, parce qu'on va la nommer, que personnellement, j'ai pas très haute estime, puis là, je vais être bien honnête, là, je l'ai pas en très haute estime. C'est pas la première fois qu'elle fait des controverses avec des articles qui ont des sujets qu'elle connaît pas vraiment. Quand il y a eu tout le tollé là, à propos des pitbulls à Montréal, ben, elle avait fait aussi un article sur les pitbulls, puis c'était hyper démagogique, puis c'était plein de préjugés. Juger, mais tu voyais que la bonne femme, je veux dire, elle connaissait pas son sujet. Puis c'est un peu ce qui est arrivé avec le cégep de Matane, parce que bon, ils ont ouvert un groupe, je pense. C'est pas une classe, c'est vraiment un groupe pour le e-sport. Donc dans le fond, c'est des jeux compétitifs, puis ça permet de réunir des gens. Puis moi, je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, on va essayer d'avoir Max Tremblay, anciennement de l'épée légendaire, qui travaille là-bas au cégep de Matane et qui pourrait nous en donner l'envers de la médaille, comment ça s'est construit. Il y a probablement plus d'infos pour nous autres. Je vais essayer de prendre contact avec. C'est ça, essaye. Ouais. Tu sais, il est peut-être trop big pour nous autres. Il est pas rejoignable, ce mousse-là. C'est ça. Non, mais tu sais, je trouve qu'elle est bonne. Sauf que là, Mme Ravary, dans toute sa connaissance infinie, pose la question à savoir si les jeux vidéo sont un sport. Puis là, je veux pas revenir sur l'ensemble de sa chronique parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas mal occupés de ça. Ça a été assez... Moi, je pourrais dire ça, pour être poli. Incendiaire? Sur les commentaires? Ben, c'est ce que ça méritait. Oui, parce que, comme j'ai dit, je veux pas revenir sur l'ensemble de ce qui a été dit, mais moi, je trouve que, écoute, c'est plein de préjugés des années 90, là. Tu sais, en gros, là, ce qu'on dit, c'est que les gamers, c'est une gang de losers, pas de vie, puis que c'est des obèses qui sont dans leur sol, puis qui arriveront jamais à rien, soit au niveau carrière, puis tout. C'est vraiment de ça, là. Puis le pire, c'est qu'il y en a qui ont répondu à ça en disant, c'est justement, c'est plein de stéréotypes. Puis là, elle a dit, mon Dieu, mais vous êtes bien facilement offensés. OK. Elle, c'est ça sa défense. C'est, nous autres, on est des vierges faciles à offenser. Ah, je te jure. Elle, c'est pas une conne. Je te jure, tu vas voir dans les commentaires là, en dessous de l'article, puis c'est vraiment ça. Là. Maintenant, elle répond, puis elle dit ouais, ben, hey, écoute, même dans l'article, là, au tout début, elle a fait un ajout, puis elle dit ouais, les gamers, vous avez la peau aussi, mince et sensible que les pitbulls. Ouais, mais tu sais, quand ton ignorance est aussi épaisse que tes faces. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça donne. Écoute, on peut-tu faire un petit sondage à l'interne dans la réalité augmentée? Là, parce que là, elle drop un constat, puis une impression. J'aimerais ça qu'on regarde si c'est vrai dans notre équipe. Okay? Toi, Daniel, tu as des études universitaires? Oui. Oui, OK. Tu as un travail? Ben oui, ça fait au-dessus de 4 ans que je suis dans la même organisation, puis j'ai 5-6 ans d'expérience dans mon domaine. Là. T'es un criminologue reconnu dans ton milieu, tu sais? Je veux le croire. Ouais, j'espère pour toi. T'as une femme, une blonde? Oui. Ouais. Un condo. Puis ton condo, il est au-dessus du niveau du sol? Oui, pas mal, oui. OK, bon, ben, t'habites pas dans le sous-sol chez tes parents, minimum. Non, vraiment fait que, bon, ben, un, toi, tu rentres pas dans le stéréotype. Qu'est-ce que tu fais sur le show? Moi, j'ai des études universitaires. J'ai fait de la radio, donc, dans le domaine du public. Maintenant, je suis un fonctionnaire. Je travaille pour la gang du Québec, là, tu sais, qui fait vivre nos institutions publiques, là. Nope. Je travaille là-dedans, moi, là. T'es un fonctionnaire. Ouais, je suis marié. Je suis en processus d'achat d'une maison qui aura un sous-sol, mais j'habiterai pas que dans le sous-sol. Mais en ce moment, j'habite dans le sous-sol d'une maison. Mais c'est un logement. Ça compte-tu pareil? Puis c'est pas mes parents qui est au-dessus. Mais non! Hein. Fait que j'ai comme un 25e de ce qu'elle a dit. Ah non, mais écoute, c'est juste que... Et puis il y en a, tu sais, qui ont évoqué ça, hein, ce genre de commentaire-là, tu sais, un peu pour me démontrer que tu peux être gamer, puis tu peux très bien, je veux dire... Avoir une place en société proactive, là. Oui, genre, tu sais. Mais ils ont dit, ben, elle a répondu encore à ça en disant, ben, ça s'adressait pas à l'ensemble, c'est pas une généralité. OK, mais pourquoi t'as utilisé l'exemple même? Parce que c'est vraiment l'exemple qu'elle a utilisé du fils d'une amie, de je sais pas quoi, en tout cas, que lui, ben, il est obèse morbide, puis il est dans un sous-sol, puis qu'il fait rien de sa vie, puis que c'est vraiment triste, puis blablabla, bla, il a coupé tous ses liens sociaux, puis tout. Mais pourquoi t'as utilisé exactement cet exemple-là pour démontrer un point de vue qui est, désolé, mais totalement faux dans l'article? Fait que, tu sais, c'est là où j'ai un problème. Mais by the way, parce que là, je voulais pas revenir là-dessus, mais finalement, on l'a fait. Tu m'as pogné au vif! Ben, je le sais, mais tu sais, moi aussi, je veux dire, je me doutais qu'il y a du monde qui allait y répondre, mais moi aussi, ça m'a piqué au vif. Ceci étant dit, je voulais répondre à la question de base dans l'article. Oh, ça, ouais. C'est une prémisse, là. Ouais, okay. C'est ça. Fait que finalement, on en a pour une heure, là, à faire ouais, OK, c'est bon. Non, mais parce que elle, là, dans le fond, la question qu'elle a posée, c'est les jeux vidéo sont-ils un sport? C'est ça, c'était ça, là, le titre de la chronique. Fait que okay. Là-dessus, je vais juste évoquer deux choses. Premièrement, quand on s'attarde à la définition du sport, ben le e-sport, je veux dire, rentre un peu dans cette catégorie-là. Ça dit que c'est une activité où il y a un déploiement d'efforts physiques ou mentaux qui requiert de l'entraînement. C'est ça la définition d'un sport. Mais quand tu regardes ça, ben je veux dire, les gars, ils s'entraînent. L'effort mental, il y est, tu sais. Oui. Puis même physique, là, il faut que tu aies des réflexes au microseconde. Là, j'écoutais la finale du championnat mondial, je sais pas si c'est le bon nom, là, de League of Legends. Ouais. Tu sais, c'est parce que c'est sur la microseconde. Là. Moi, quand je joue à ce jeu-là, je me fais éclater contre des joueurs moyens. Puis les autres sont dans l'élite. Là. Ah oui, c'est fou, là. L'effort mental là, que ça demande, là, le niveau de concentration, justement, le temps de réaction à millisecondes, c'est très, très intense, là. C'est très, très intense. Puis là, il y a League of Legends, mais il y a d'autres jeux, là, aussi. Oui, non, c'est les jeux de combat, là, c'est juste fou, là. C'est ça, exact. Fait que, il y a ça. Deuxièmement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour démontrer que quand tu joues à un jeu vidéo, les effets sur ton corps sont similaires à ceux d'un sport. C'est sûr que tu sais, c'est pas comme jouer au hockey, jouer au soccer, tu sais, l'effort physique que tu vas déployer est vraiment pas au même niveau. La dépense d'énergie musculaire est moindre. Beaucoup, beaucoup. Sauf que, en fait, il y a des études, puis il y en a, c'était vraiment intéressant. Ça dit que le corps peut réagir de certaines façons qui sont similaires. Les réactions physiologiques peuvent être vraiment similaires à quand tu fais un vrai sport. Par exemple, quand ton personnage va se faire blesser dans un jeu, c'est possible que ton corps réagisse de la même façon que s'il était réellement blessé. Donc, par exemple, le niveau de cortisone peut augmenter dans le corps. T'es pas réellement blessé, on s'entend. Mais l'espèce de lien qui t'unit avec le jeu peut faire en sorte qu'il y ait des réactions physiologiques. Même chose au niveau... Tu sais, toi pis moi, on l'a déjà vécu dans des jeux, là. Embarque-moi pas dans ton affaire, là! Là, je fais des généralités comme Madame Ravary, parce que ça a l'air que c'est ça que ça prend comme argument. Non, mais tu m'impliques en plus, là. Wow! En plus. Non, mais tu sais, t'as-tu déjà eu ton rythme cardiaque qui a augmenté quand tu joues à un jeu? Quand t'es stressé ou quand t'es vraiment intense, oui. Oh. Ben, c'est ça. Fait que, ma pression sanguine aussi quand je sens la crise, là. Ah oui, moi aussi. Fait que, non, mais tu sais, c'est ça. C'est qu'il y a des réactions physiologiques qui s'enclenchent, puis il y a eu des études là-dessus, puis c'est vraiment intéressant. Fait que, tu sais. Écoute, tu me permets-tu de juste extrapoler sur un autre département? Tu vas voir la connexion. J'écoutais un documentaire quand j'étais. Écoute, il y a une dizaine d'années, j'étais vraiment plus jeune. D'or. Je sais pas pourquoi j'ai spécifié que j'étais plus jeune que là, il y a 10 ans, tu sais, oui. J'aime ça, la précision. Et oui. Le documentaire parlait un peu de l'impact physiologique pour les jeunes filles qui vont dans des concerts de boys band. Et cette étude-là avait démontré qu'il y a certaines filles qui sont tellement en pamoison, qui vivent ça tellement intensément, leur expérience de concert devant un Justin Bieber ou les Backstreet Boys ou whatever qui tu veux, qu'elle vivait l'équivalent d'orgasme. Ah ben, ça, et pourtant, il n'y a aucun stimuli sexuel physique dans cet événement-là, dans cette prestation ou whatever, là, comment tu veux l'appeler, parce que c'est pas tout le temps du chant. Donc, pourquoi que au niveau des jeux vidéo, il n'y aurait pas là aussi des impacts physiques, même si c'est pas visible et même si c'est pas dans nos impressions traditionnelles à ce type d'activité-là? Ben, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Je te disais, les réactions physiologiques. Puis, on s'entend quand tu t'en vas voir, mettons, un show, là. Puis, Dieu seul sait que dans les shows de boys band, justement, ça crie, ça saute, puis tout. Puis oui, tu peux avoir une dépense calorique quand même... Ben, importante. Là, non, mais tu sais, vivre un orchasme, là, c'est parce que ton cerveau a travaillé là, d'une certaine façon que tu t'attends pas dans ce moment-là. Non, mais c'est clair, mais en même temps, je te dis, il y a des études, je te le dis, j'assois mon point, là, vraiment, quand tu joues à un jeu, tu peux avoir des réactions physiologiques comme quand tu pratiques un sport. C'est sûr que la dépense calorique est vraiment pas équivalente, mais... t'as des réactions de ton corps qui sont non négligeables. Fait que, viens pas me dire, OK... Mais en même temps, attends, parce que là, tu te dis dépenses caloriques. Moi, tantôt, j'ai spécifié dépenses caloriques musculaires parce que je considère qu'au niveau du cerveau, il y a peut-être même plus d'activité quand tu joues à des jeux vidéo que quand tu pratiques un sport. Parce qu'il y a des éléments qui sont machinales, qui embarquent, il y a des réflexes, il y a des stimuli qui sont carrément différents de faire du sport et qui sont peut-être exacerbés par rapport à ça. Donc, je ne mettrais pas tout dans le même panier. C'est différent, mais oui, il y a des stimuli, puis oui, il y a de la réaction. Non, absolument. Fait que, tu sais, c'est là où je pense que une chronique comme dans le Journal de Montréal, il y a... Ça dépasse. C'est de la M-A-R-D-E. Okay. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Puis c'est vraiment, vraiment pas une chronique que j'ai aimée. Là, pour les gamers qui nous écoutent, qui n'ont pas compris, là, j'appelais le mot marde. Juste au cas que Lisa Ravary nous écoute par rapport à ce que les gamers ne comprennent pas, on va les expliquer, là, juste au cas. Moi, j'étais... Stéréotype! Non, mais tu sais, moi, j'étais aux toilettes quand j'ai lu ça, puis j'avoue que ça m'a beaucoup stimulé. puis pas dans le bon sens. Fait que, comprends-tu? Mais non, mais tu sais, puis en même temps, ce que, puis je vais conclure là-dessus, là, ce que j'ai trouvé vraiment pathétique, c'est tout après ça, l'espèce de patinage pour se rattraper, tu sais. Ah ben là, vous avez pas compris, vous avez pas lu le texte, vous avez vraiment la peau sensible, mon Dieu que vous réagissez fort, tu sais. Excuse-moi là, mais je veux dire, t'insultes beaucoup de gens qui s'adonne à, je veux dire, à une activité. Puis d'ailleurs, il y a un lecteur qui a répondu, j'avais vraiment aimé ça. Il dit, il y a personne de plus vivant qu'un passionné. Mais c'est un peu ça, tu sais. Puis j'en parlais même avec ma blonde, justement, tous les stéréotypes puis toutes les espèces d'arguments de MRDE là, qui ont été évoqués dans la chronique. Puis je m'excuse, là, mais le jeu vidéo aujourd'hui, c'est plus nécessairement genre la personne, justement, qui dans son sous-sol à gamer dans le noir, puis tout. Tu sais, je veux dire, c'est rendu hyper répandu, là. Puis tu sais, dans les jeux vidéo, t'inclus les jeux mobiles genre Bubble Witch ou Candy Crush, whatever. Tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est pas des jeux que j'apprécie nécessairement, mais c'est des jeux quand même, là. Il y a des gens qui... Je veux dire, moi, ma belle-mère, avant que je connaisse sa fille, elle avait jamais touché un jeu vidéo. Là, quand elle vient de travailler, elle se prend au moins une petite demi-heure puis ça la fait décrocher. Bon. Fait que... Tu sais, je veux dire, on fait de mal à personne, puis... en tout cas, bref. Moi, personnellement, j'aime mieux jouer à un jeu vidéo que... Ma mère m'a toujours dit, j'aime mieux devoir jouer à un jeu vidéo que de te savoir traîner dans la rue à faire je sais pas quoi. Exactement. Ouais. Quand je faisais mes premiers LAN, quand j'étais jeune, c'était ça. Ben, c'est ça, exact. Ma mère venait m'amener, puis elle savait que cette fin de semaine-là, j'étais pas dans la rue en train de prendre la drogue ou faire ça. Du mal. Bon, elle sait pas qu'on pouvait faire du mal, pas dans la rue, sur Internet, avec les ordinateurs, mais ça, hein, ça a la facile de voir. C'est comme ça. Le mal a plusieurs formes. Hein. une des formes du mal... Oui. Ça n'a tellement pas rapport. Ben, écoute... C'est John Wick 2. Oui. Ça fait mal. Que j'ai pas vu, mais j'ai vu le premier. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Ouais. Premièrement, ils ont accusé ma plus grosse critique de John Wick 1, voir que quelqu'un tue des centaines d'êtres humains pour venger un chien. J'ai revu le film. Le film est super bon, mais ça m'accroche encore que ce soit ça le moteur, OK, émotionnel de la vengeance. Je sais qu'il représente sa femme, blablabla. Là. Mais bon, hein, on s'entend que deux poids, deux mesures. Hein? C'est un peu niaiseux. Fait que là, dans celui-là, le chien reste en vie. La PETA est très heureuse. Ce film est approuvé par la PETA. John Wick 2, à ce moment-là, c'est quelques instants, voire semaines après la suite de John Wick, du premier. Et on retrouve, dans le fond, un vieil allié de la mafia, c'est assez compliqué, qui est campé par, j'ai le casting ici, le Ricardo Oscar Marcio, qui joue le rôle de Santino D'Antonio. Oh. La guilde des assassins, OK? Il y a différents territoires et chacun de ces territoires-là est gouverné par un chef. Si j'ai bien compris, là, parce que c'est pas tant important, là, il y a 5 tables pour les 5 continents et... si je me trompe pas, là, peut-être je me trompe, là, mais le principe est là. Et la chef du continent de l'Amérique, c'est la sœur de Santonio D'Antonio. Et lui, il demande à John Wick de la tuer. John Wick ne veut pas parce qu'il dit « Je prends ma retraite, c'est terminé. Je viens de vivre une sale séquence de marde dans le premier. » Il dit pas ouais. Qu'il est dans le premier, là, mais... Fait que lui, il décide de... Je vais éclater ta maison, t'auras pas le choix, tu vas m'en avoir une, blablabla. Bon. Mais le chien est pas dedans. Hein? Le chien est pas dedans. Les deux étaient sur le bord d'une fenêtre, puis avec le vent, cinéma style, se sont fait expulser de la maison, puis sont corrects, tu sais. Fait que John Wick et son chien survivent, se rendent au Continental et décident de finalement prendre le contrat parce qu'il y a un code d'honneur, là, t'as rempli une promesse à un certain moment avec un médaillon, t'as mis ton empreinte digitale avec du sang. Fait que là, faut que l'autre partie compense cette dette-là éventuellement. Puis là, John Wick est dans ce. dans cette situation-là. Fait qu'il n'y a pas le choix. Fait que là, il va partir, essayer de tuer la fille. Et là, va réussir. Et après ça, ben, retournement de situation. Un bon frère ne pourrait pas ne pas tenter de venger la mort de sa sœur. Ben non. Même si c'est lui qui l'a commandité. Et donc là, contrat à l'international, 7 millions, tous les assassins de la planète pour essayer de tuer John Wick. Et John Wick va donc essayer de retracer Santino D'Antonio pour pouvoir mettre la main dessus, lui faire payer pour ses crimes. Et c'est pas mal ça, le scénario. Ah, Santino D'Antonio. Ça sonne très bien. Dans les qualités... Visuellement, c'est encore écœurant. Il y a entre autres une séquence de combat dans un spectacle du côté de Rome, en Italie, dans les vieilles catacombes. T'as le show métal comme sur le plancher des vaches, t'as les catacombes en dessous, puis ils passent de l'un à l'autre. Puis c'est vraiment génial visuellement. Ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, t'as une autre séquence à un moment donné dans un musée d'art visuel avec des miroirs. C'est comme une maison des miroirs. Ça semble être une exposition pour explorer les sens. Ça marche écœurant, hein? C'est visuellement super beau. Tout fonctionne super bien. Les chorégraphies de combat sont encore géniales. On sent que c'est le même personnage. Il tire tout le temps des pieds en premier pour déstabiliser son adversaire. Puis il finit tout le temps avec une balle dans la tête. Il part une mission à un moment donné. Il a juste son pistolet à lui. Fait qu'il est obligé de récupérer des armes au fur et à mesure sur les gars qui tuent. Ça sonne jeu vidéo, ça marche à merveille, c'est cœur, hein? C'est super bon. Si vous voulez décrocher, ça fonctionne. Dans okay. Les autres qualités, donc le personnage de John Wick est encore aussi badass. Keanu Reeves l'a parfaitement. C'est un personnage qui est stoïque, qui n'a pas beaucoup d'émotions, fait que ça marche. Ça rentre parfaitement dans la palette d'acting de Keanu Reeves. Sans être méchant. Je pense que lui, il le sait. Mais moi aussi, mais tu sais, à un moment donné, tu le mets pas dans des rôles qui sont en dehors de sa palette parce que tu sais que ça fonctionnera pas. Ouais, c'est vrai. Voilà. Même dans La Vallée des Nuages, je veux dire, c'est super bon là, comme film. Là. J'ai adoré ce film-là. Mais il n'y a pas tant d'émotions dans le visage. Non, c'est ça. Il n'y a pas ce bout-là, lui-là. Sourire, être en crise, c'est pas mal le même face. Là. Oui. Il n'y a pas grand range. Ses lèvres bougent de quelques millimètres. C'est ça, là. C'est subtil. Sinon, l'acting, c'est toujours aussi bon. L'univers est toujours aussi... On explore pas mal plus l'univers des assassins. On voit des trucs supplémentaires. On voit qu'il y a des règlements. Tu sais, je te disais, le pacte, à un certain moment, tu as fait une promesse à une personne, tu dois quelque chose en retour éventuellement. Tu n'as pas le choix de remplir ça. Sinon, ben, tu te fais assassiner. C'est terminé. Puis tu peux pas rien faire dans le continental. On joue beaucoup là-dessus, les hôtels continentaux. On voit que c'est répandu à travers la planète. Le système d'armement, de vêtements, tout ça. Il y a une petite gimmick sur un veston que le tissu est par balle. On dirait que le gars de l'armement, il dit... Le couseux? Je sais pas comment... Le couturier, oui, voilà. Excusez-moi. Mon vocabulaire est comme parti loin de moi pendant une fraction de seconde. C'est comme la gruge de la semaine passée. Oui, la gruge. C'est ça. Et donc, le couturier, il dit ça, là. Écoute, on dirait quasiment que t'as un bouclier dans les mains. Fait le trois quarts du temps, quand John Wick a son veston sur lui, il prend le bas à l'inverse, puis il se fait comme un bouclier avec le pan de son veston. Fait que, tu sais, il y a cette gimmick-là qui il sauve une coupe de balles. Un autre moment donné, puis là, j'embarque dans une zone de spoiler, OK? On n'écoute pas ce genre de film-là pour le scénario, mais vient un moment donné où est-ce que t'as un univers, t'as une diégèse, donc t'as une cohérence dans cet univers-là, que quand tu vas au cinéma, quand on te construit un univers, faut que ça soit cohérent selon les limites qu'on te présente de l'univers. Mmh. OK? C'est ce qu'on appelle la diégèse. Dans un film comme Cars, la diégèse, c'est que les voitures sont comme des êtres humains. Ils peuvent parler, ils ont des yeux et on l'accepte. Là où est-ce que pour moi la diégèse blesse, c'est pourquoi tu aurais besoin de porte s'il n'y a pas d'humain. Tu vois-tu, là, c'est subtil. C'est pas plus réaliste, là, des chars qui ont des yeux et qui parlent. Mais le fait qu'il y ait des portes pour rentrer des individus dans leur corps, quand il n'y a pas d'individus qui peuvent rentrer dans leur corps dans cet univers-là, moi, ça vient briser la diégèse à mon niveau. À mon avis. C'est subtil, là. Oui. J'en reviens à John Wick, OK? Tu vas voir, là, c'est un peu la même affaire. Je te suis, mais je suis plus sûr que je vais te suivre longtemps, mais vas-y. Mais je fais un comparable avec Cars. Check ça, comment est-ce que je suis hot. OK, vas-y. À un moment donné, spoiler, je vous avertis, là, skippez les 5 prochaines minutes si vous voulez pas le savoir. À un moment donné, John Wick se fait blesser, OK? Et donc, il est dans la merde. Réussit à survivre et il est dans un métro. Il voit un itinérant. Il se pitche dans les poubelles avec l'itinérant, puis il donne une pièce d'or, tu sais, les fameuses pièces des assassins, puis il dit « Amène-moi ton patron. » Et donc, tu découvres à ce moment-là que il y a la guilde des assassins et il y a les pouilleux qui sont aussi des assassins et qui sont partout dans les villes, tout croche, des clochards, tu sais. Ils ont des casiers, ils vont changer, faire le chiffre, s'installent, font leurs affaires. Et ça leur permet de pouvoir faire des crimes aussi, de pouvoir assassiner des personnes puis de ramasser des contrats. Moi, à ce moment-là, la diégèse, là, elle s'est effritée comme neige au soleil. J'embarque dans les assassins. J'embarque dans les pièces de monnaie. J'embarque dans le fait que tu as rendu un service, tu t'es fait rendre un service par un autre, tu as une dette. OK, j'embarque. J'embarque dans la table des chefs qui se séparent le territoire. J'embarque. J'embarque dans les contrats qui sont faits à la machine écrite par des secrétaires sexy avec plein de tatous. des machines écrites des années 60, envoyées dans des tubes à succion pour pitcher l'information. J'embarque. Et pas de trouble avec ça. Mais le fait qu'il y ait une deuxième faction de clochards qui évolue en parallèle pour faire à peu près la même business, mais qui, au lieu d'envoyer des fax par tube, utilise des pigeons voyageurs, je débarque complètement. Mais complètement. Pourquoi? Parce que la seule raison d'avoir ça, c'est de permettre à John Wick de guérir de sa blessure, de retrouver une arme et de repartir à l'aventure. On a créé un nouveau pan de l'histoire simplement pour patcher une faiblesse scénaristique. Et au lieu de faire en sorte que ce trou-là, où est-ce que John Wick est blessé, a besoin de se retrouver une arme, soit, ben écoute, on retourne voir telle personne qu'on a déjà vue dans le premier, on retourne voir quelqu'un qu'on a déjà vu, on a créé un nouveau pan complètement de cet univers-là qui, pour moi, clash complètement. Donc, au lieu que ce soit juste un creux de vague avec un bout de scénario plus faible, le fait que, magiquement, il y a un ami qui se retrouve là, qu'on avait déjà vu, qui le rééquipe, qui fait des points de suture, à la limite, le gars, ça pourrait être super simple. Non, on le souligne à gros traits, en highlight super profond. Check ça, c'est là, là. Il y a une scission dans notre scénario, c'est là que ça se passe. Moi, ça m'a accroché. Sinon, le reste, là, c'est un super bon film. J'ai eu bien du fun. Le film m'a paru un peu long parce que, entre autres, la séquence avec le clochard, que là, faut qu'il essaye de vendre son plan pour qu'eux, ils fassent confiance parce que lui, c'est un assassin, c'est pas un clochard, tu sais. Fait que le film dure 2h03. Tu t'enlèves le 15 à 20 minutes de latence là, qui souligne en gras qu'il y avait une faiblesse de scénario et on a trouvé une twist magique tout d'un coup. Si on enlevait ça, le film se serait tellement mieux tenu, aurait eu un meilleur pacing, aurait été plus court et aurait été plus efficace. Grosso modo, si on enlève ça, ce film-là ramasse un 9.5 dans les meilleurs films d'action de son genre. Et là, à cause de ça, on va lui donner un 9. C'est pas gros, là, mais c'est assez pour perdre un demi-point puis frôler la perfection. Et on est un petit peu plus loin à cause de ça. Mais on s'entend, c'est ça. C'est pas un film que tu regardes pour l'histoire. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je me suis permis de vous le dire parce que je trouve que le point est assez important pour venir jouer dans la note. Sinon, je vous l'aurais pas dit. Puis, normalement, dans un film d'action, l'histoire, on s'en sac, là. C'est pas un problème. Sauf que là, c'est le fait de... Ah, on sait pas quoi faire. Fait qu'on va inventer de quoi qui fit pas avec l'univers puis on va patcher ça, tu sais. Puis tu penses-tu que il y a matière à un John Wick chapitre 3? Oui. Et ça risque d'être intéressant. Si on poursuit dans la prémisse qui est installée à la fin du film, que je ne vous dirai pas, ça risque d'être très intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on se rend compte que la société des assassins, tu sais, dans le premier, on voyait l'hôtel. Grosso modo, on voyait le noir qui se fait tuer par la fille. On voyait la fille, l'ancien gobelin vert de Spider-Man. Willem Dafoe. Mais non, le gobelin vert. Et on voyait Keanu Reeves comme assassin. Ouais. Grosso modo, c'était les quatre. Là, multiplie ça par 10 puis par 15. Le nombre d'assassins qu'on voit. Ça rend la proportion humain normal assassin un peu débalancée, j'ai l'impression, dans la société. Mais c'est correct. C'est pour le film, ça rend des scènes spectaculaires. Ça l'offre des occasions de faire des fêtes puis des scènes de combat plus intéressantes avec plus de monde. Donc c'est cool. Ça fonctionne bien. Fait qu'un 9 sur 10. Puis c'est un accro qui aurait tellement. Moi, c'est surtout le fait que ça aurait été évitable. Mm-hmm. Non, tu dis, tu lâches un appel, John Wick il se cache dans un bungalow, je sais pas trop où est-ce que personne peut le retrouver, il lance un appel à son chum le mécano, il vient faire des points de suture parce que sur le side il y a ses RCR, et c'est réglé là. Mais non, tu sais, on invente un pan complètement de cette société-là puis qui fonctionne pas avec le reste puis que... Tu sais, on surligne à très gras le fait que on a inventé un bout qui marche pas. Fait que c'est ça. C'est un petit peu dommage. Mais je me rappelle dans le premier, là, un affaire qui m'avait marqué, là. C'est-tu d'habitude là, avec le méchant? Je sais, c'est tellement touchant. Oui, écoute, j'ai droit au cœur. Mais, tu sais, d'habitude, le méchant qui poursuit, ça finit plus, pis tout, là, ben, il poque dans un hangar, tintin. T'sais, deux balles tape. Merci, au revoir. Ouais. C'est expéditif. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, on reste dans le même style aussi, dans le 2. Il n'y a pas de. On te fait languir, on le fait. Tu sais, dans le 1, un des problèmes, c'est que, tu sais, il y a plusieurs occasions où est-ce que John Wick est vulnérable vraiment, là, pis tu dis. Ouais. Achève-les, là, t'as des fusils, termine ça. Non, on va prendre un sac de poubelle puis on va l'étouffer. Ouais. Pourquoi? T'es dans un univers d'assassins, là. T'sais, John Wick, sa maison est pleine de cadavres. La police débarque puis il fait comme, t'es surpris du travail? Ouais. Puis ils font comme, OK. Fait que pourquoi tu prends un sac pour pas laisser de trace? Ah ouais, il y a une balle, t'sais, termine ça. Ça aurait pu. Ça aurait dû, en fait. C'est pas que ça aurait pu, ça aurait dû dans la vraie vie, là. Mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus ces séquences-là, à part le bout, comme je te disais, avec les clochards, où est-ce que tu fais comment? Okay, il fallait qu'ils trouvent une solution, puis maudit, ils ont été chercher ben trop loin au lieu de faire ça simple. Il n'y en a plus là, de problème de Keanu Reeves est dans une situation. John Wick est dans une situation pas possible, puis réussit à s'en sortir, là. T'sais, au moins, on a réglé ça. Fait que ça donne généralement un excellent film. Un 9 sur 10, c'est, dans son style, c'est solide. Là. Fait que j'ai hâte au 3. C'est toujours aussi bon. Puis tout le staff fait une super bonne job. Là. Ah, cool. Fait qu'aller voir ça, cinéma, ça vaut la peine. Pas de 3D. Il n'y a rien là-dedans qui mérite du 3D. Ouais, beaucoup de films. Ben, exact. Là. Ouais. Puis surtout, c'est que c'est un film qui joue beaucoup sur les couleurs aussi dans les scènes d'action qui vont super vite. Et le 3D, à cause des lunettes, ça fait en sorte que les films sont plus sombres. Fait que ça va être moins visible, l'action. Fait que vous allez perdre en qualité de film, tout simplement. Ouais, c'est une gimmick pour charger plus cher. Ça gosse. Là. D'ailleurs, j'ai lu une semaine ou deux là, que les télévisions 3D... Il arrête la production, ça se vend pas. Fait que pourquoi générer des films en 3D au cinéma, vu le coût des caméras pis tout, pour un gain de 3$ sur le billet, je sais pas si ça vaut vraiment la peine, pour qu'après ça, la technologie se rende même pas à la prochaine étape de vie du film, qui est la vente au domicile des gens. Non, puis moi j'haïs ça, là, porter les lunettes 3D, là, t'sais, déjà je porte des lunettes, ça me fait deux paires de lunettes sur le nez. Là. Ben, c'était carré, hein? Ouais, ça, c'est un bon. Ouais, quand même. Toi, tu vas nous parler de quoi? De ça va être mâle! De l'action! Ça s'adresse à toi, mâle viril. Oui, à toi. John Wick, là, quand il est en deux missions, c'est à ça qu'il joue. Oui, il joue à Pucci Yoshi Woolly World. C'est ça. Non, mais... Ben, je l'ai dit, moi, je voulais faire un autre jeu, mais là, ben, finalement, j'ai été retardé dans mes chroniques. À cause des là? Autres gars, hein? Ouais, c'est ça, tu sais. Ils sont pas là pis ils nous nuisent, imagine. Imagine quand ils sont là. Imagine, hein? Écoute, là, on s'entend, là. J'ai retardé ma chronique pour une recrue, là. Ah, en plus? En plus? Hey, ça y est qu'un an sur le show, pis ça se permet déjà des affaires de même. Hey. Ben, je te le dis. Hey. Jonathan Turcot, on parle pas de toi. Fait que, À peine. Ouais, à peine. Non, mais ça me fait quand même plaisir de vous parler de Pucci et Yoshi Woolly World. En fait, c'est le petit frère de Yoshi Woolly World qui est paru sur Wii U, que j'avais... j'avais fait la critique sur le show. Ouais. Le deuxième va s'appeler Pucci et Yoshi Reloaded. Ah, c'est ça que ça vient, hein? Ou ça va s'appeler Pucci et Yoshi Retricoté. Retricoté. Parce que c'est un bord de tricot. Mais tu sais, c'est ça. C'est une version portable de Yoshi Woolly World. Ça s'adresse vraiment à un public qui n'a pas joué à Yoshi Woolly World sur Wii U. Si vous l'avez fait ou si vous avez une Wii U et vous n'avez pas encore joué à Yoshi Woolly World, je vous conseille de le prendre sur Wii U. La version 3DS, c'est pas, elle apporte rien de plus que sur Wii U. Même qu'elle enlève certaines choses qui étaient plus intéressantes sur Wii U, notamment au niveau visuel, la transition vers la console de salon et la console portable, là, tu vois que ça, tu sais, je veux dire, la console est moins puissante, là. Donc, il y a certains effets visuels, il y a certains effets de tricot, donc qui sont beaucoup moins spectaculaires. Tu sais, les personnages sont moins détaillés. C'est ça qui était le fun, c'était d'observer ce jeu-là sur Wii U parce que c'était vraiment vraiment beau. Je dis pas que c'est laid sur 3DS, je dis juste que c'est beaucoup beaucoup moins impressionnant. J'ai une petite question là. C'est qui Pushy? Pushy? Ben, les amateurs de Yoshi, ils savent c'est qui Pushy. Fait que t'es pas un amateur de Yoshi, c'est non, ça que je comprends. Parce que là, sur la pochette, on voit Yoshi qui ride Pushy. Oui. Et je me dis, j'aimerais ça que Mario ride Yoshi qui ride Pushy, ça serait magique. Écoute, un beau threesome. fait que... La PETA était contente tantôt, moins tout d'un coup. Oui, tout d'un coup, là, un dinosaure qui enjambe un chien. Là. Un plombier qui enjambe un dinosaure qui enjambe un chien malade. Écoute, malade. Ben, Pushy, c'est un chien. C'est okay. Ça, avec une grosse langue. Non, mais c'est un chien qui est connu dans l'univers de Yoshi, ça fait très très longtemps. Si je me trompe pas, Pushy était dans Yoshi's Island sur Nintendo. Ça fait très longtemps que Pushy... On voit-tu que j'y ai pas joué? Hein? Oui, c'est ça. Okay. Mais je pense... me semble que oui, ça fait très longtemps là, de ça. Mais Pushy, en fait, c'est un chien qui est pas mal invulnérable. Il a une très grosse langue, Pushy. Dans Yoshi's Woolly World, il était dans certains tableaux, puis il permettait d'accéder... Oui, Libby, je te sens venir, là. Mais c'est parce qu'il a une très grosse langue et il est invulnérable. C'est rarement c'est rarement l'outil dans un jeu vidéo de devenir invulnérable, d'avoir une grosse langue, là, mais bon... Il est à mon image. Ouais, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que Pushy, dans Yoshi's Woolly World, il permettait d'accéder à certaines zones de tableau. T'sais, il était là. Mais c'est un chien qui était vulnérable. Notamment, là, il peut marcher sur des pics, là, puis il peut défoncer beaucoup d'obstacles. Et là, je viens d'employer des mots qui, en tout cas, à connotation multiple. Oui, ben, c'est parce que moi, je m'imagine Pushy dans un univers où est-ce que le boss final, c'est un suçon, et avec sa grosse langue, aucun problème. Oh non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça, là, c'est assuré. Mais dans le fond, je reviendrai pas sur l'ensemble de ce qu'est Yoshi's Woolly World parce que c'est ça, je l'avais déjà critiqué sur le show, puis bon, c'est un jeu qui est quand même connu sur Wii U. C'est le même jeu sur 3DS, tu sais, c'est les mêmes tableaux, les mêmes secrets, tous les mêmes éléments, là, finalement. Fait que c'est vraiment un port de la version Wii U. C'est pour ça que je dis que si vous y avez joué sur Wii U, ça vaut pas nécessairement la peine. Ben, en fait, ça vaut pas la peine sur 3DS parce que c'est vraiment le même jeu. Ce jeu-là, c'est comme l'opinion de Lisa Ravary, c'est de la marde. Non, pas tout. Non. Hey, wow, là. Les deux catégories différentes. OK, là. C'est bon. Franchement. Non, ça demeure un très, très bon jeu de plateforme. OK? Si vous n'y avez pas joué, si vous n'avez pas de Wii U, vous avez une 3DS, moi, je vous le recommande. C'est un très, très solide jeu de plateforme. Il démarre facilement. Il prend une tournure beaucoup plus difficile là, dans la deuxième portion. Puis si vous voulez tout récolter, il y a quand même beaucoup de secrets dans ce jeu-là. Puis c'est assez difficile de tout récolter. Là, je pense qu'il y a quelque chose comme 1500 objets à récolter. C'est assez... Tu sais, je veux dire, pour avoir le jeu à 100%, là, c'est pas nécessairement facile. Là, mais je vous le dis, c'est un excellent jeu de plateforme. C'est juste que quand il a joué sur Wii U, les ajouts qui ont été faits pour cette version 3DS là sont plutôt minimes, voire super décevants. Le rôle de Pushy, là. Le rôle de Pushy. Ouais. Pushy. Ouais, Pushy, là. Pushy. Toi, JB, tu sais, c'est quoi des niveaux de type Rush? Tu veux dire que l'écran te poursuit par en arrière, là? Ouais, ou tu sais, en fait, c'est que ton personnage, il bouge tout seul, tu sais, comme Mario Rush ou Sonic Dash, ou tu sais. Ah, ok, j'aurais pas. Moi, je pensais que tu parlais des niveaux qui avancent tout seul, puis t'as pas le choix d'être au rythme du niveau pour survivre. Non, je te parle vraiment des types rush là, où ton personnage il avance tout seul. Puis toi, ben généralement, là, dans ce genre de jeu-là, faut que tu pèses sur un bouton pour le faire sauter, ton personnage. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est ça, les types des niveaux de des jeux de type rush. Puis c'est ça, les niveaux de Pushy. Les niveaux qui ont été ajoutés, qui mettent en vedette Pushy, c'est des niveaux rush. Donc, dans le fond, c'est des niveaux qui sont super courts, 30 secondes et une minute. Puis Pushy, ben dans le fond, il parcourt un niveau, il est contrôlé tout seul, puis toi, ben, tu pèses sur le bouton A pour le faire sauter. Donc, c'est ça, les niveaux de Pushy. Il y en a pas une tonne de ces niveaux-là. T'en débloques un à la mi-monde, puis à la fin d'un monde. Puis, dans le fond, ces niveaux-là, ils ont rien de particulièrement intéressant. C'est juste qu'il y a des objectifs à atteindre. Il y en a trois, puis bon, tu peux récolter une médaille qui sert absolument à rien. Tu sais, ça, c'est pas des niveaux hyper intéressants. Puis en fait, ces niveaux-là, là, ce que ça te permet surtout, c'est de récolter des pierres précieuses. Les pierres précieuses, pour ceux qui ont aimé Yoshi's Woolly World, ça te sert à acheter des badges. Des badges qui peuvent te servir le temps d'un niveau pour diminuer la difficulté du niveau. T'en as, là, par exemple, là, tu vas pouvoir avoir un melon dans la bouche là, tout le long du niveau puis cracher des pépins. Il y a ça, où tu sais, tu tombes dans un trou, tu... Là, j'ai un peu les images dans ma tête. Fait que, pis t'sais, bon, finalement, ben, ça te permet de pas mourir en tombant dans un trou. Fait que, c'est ce genre de badge-là. Le badge le plus utile pour ceux qui aiment les jeux de plateforme, là, parce que c'est pas un jeu qui est extrêmement difficile, là, Yoshi's Woolly World, c'est le badge qui te permet de voir les objets cachés. Donc, je l'ai dit, il y en a quand même beaucoup. Puis c'est pas mal ce badge-là que vous allez utiliser. Sauf que si vous voulez vous donner un vrai défi, ben vous en achèterez pas de badge. Donc, tes pierres précieuses, ben tu les accumules, c'est le fun de les accumuler, mais ils te servent à rien. Puis dans les niveaux de Pushy, ben dans le fond, le principal but c'est de récolter des pierres précieuses qui peuvent possiblement te servir à rien. Fait que l'intérêt des fers, ben est pas super élevé. Puis t'as des alternatives à ces niveaux-là là, qui s'appellent c'est des niveaux Gold Rush là, fait que là t'as, dans le fond il y a encore plus de pierres précieuses à récolter, mais encore une fois je veux dire, si t'achètes pas de badge, ben tes pierres précieuses elles te servent à pas grand chose. Fait okay. Que c'est ça là, je me demande encore si ça vaut la peine d'acheter ce jeu-là là. Mais pour le jeu en tant que tel, comme je l'ai déjà dit, quand tu n'as pas joué sur Wii U, oui, ça vaut la peine parce que c'est un très, très, très solide jeu de plateforme. C'est très cute aussi, c'est très mignon. Mais les niveaux de Pushy qui ont été ajoutés, qui auraient dû être vraiment ce qui aurait motivé les gens qui l'ont déjà sur Wii U à l'acheter sur 3DS, ben c'est pas un incitatif super intéressant. On a ajouté aussi des très très courte cinématique, c'est des cinématiques hyper cute là, tu sais, ça met en scène Pushy et Yoshi, c'est vraiment vraiment cute. Ça dure c'est environ 30 secondes, puis là t'as une question à la fin qui t'est posée sur le contenu du vidéo, c'est super simple là. Puis dans le fond ça te permet encore une fois de récolter des pierres précieuses. Fait que t'en as beaucoup de pierres précieuses. Fait que tu sais, c'est ça. Est-ce que c'est un incitatif qui est... Ben, en tout cas, qui, qui vaut la peine, ça c'est une autre question. Comme j'ai dit, moi, il y a un badge qui était celui pour révéler les secrets qui m'a le plus intéressé, mais pour le reste, j'en ai pas utilisé de badge, donc j'accumulais vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, quand tu parles que t'as plus de 100 000 pierres précieuses, là, ben c'est ça. Puis qu'un badge peut coûter entre... t'sais, 500 et 2000 pierres précieuses, ben, t'sais, t'en as assez, là. Mais c'est parce que ça vient tuer la difficulté du jeu aussi, là. Ben, parlant de difficulté du jeu, hein, tu fais un bon lien avec, avec ce que je veux aborder. C'est que t'as deux modes. Connaître, hein? Ouais, pas pire. Hein? Mais t'as deux modes de difficulté. Et comme dans le jeu, comme dans la version Wii U, t'as le mode normal, qui est la difficulté, je veux dire, de base, et t'as le mode mellow. Le mode mellow, ben, Yoshi a des ailes. Donc, ça permet de beaucoup réduire la difficulté des niveaux. Mais là, en plus, tu peux avoir Pushy dans ces niveaux-là. Puis Pushy, ben, pour toi, il va tout récolter ce qu'il y a dans le niveau. Puis c'est les mini Pushy, parce qu'il y a des mini Pushy aussi, ben, ils vont aller chercher les secrets dans les niveaux. Fait que là, t'en as plus de difficultés, là. T'en as juste plus pantoute. Il y a plus rien. Il y a finalement, plus de difficultés. Tu te ramènes d'un point A au point B sur un niveau, puis c'est pas mal tout, là. C'est tout. Ça, là, cette difficulté-là, là, je vous le dis, c'est vraiment pour ceux qui ont jamais joué à un jeu vidéo ou pour les très jeunes enfants. T'sais, ceux qui veulent pas lancer leur 3DS là, au bout de leur bras, c'est vraiment axé pour eux. C'est vraiment destiné à ces joueurs-là. Parce que pour la plupart d'entre nous, là, c'est ben trop facile. Il y a aucun défi. La plupart d'entre nous, là, on va y jouer en mode normal puis c'est correct. Il y a quand même un bon niveau de difficulté. Moi, personnellement, pour un mode de difficulté, j'aurais pas nécessairement ajouté un mode encore plus facile pour un jeu qui l'est déjà. T'sais, qui est déjà plutôt facile. J'aurais pas ajouté un mode encore. T'sais, je pense que le mode mellow c'était facile. Là, avec Yoshi, je sais pas, c'est quoi que en bas de très facile? Ça serait enfantin. Ouais, on pourrait dire ça. Enfantin, oui. On pourrait dire que c'était enfantin. Pour le reste, écoutez, on va vous dire sur l'emballage du jeu que hey, c'est super cool. Il y a encore plus d'amiibo qui sont supportés. Oui, mais c'est vrai. Sauf que faut que les amiibo y aient une utilité dans le jeu. Puis c'est pas le cas. Parce que en fait, les amiibo, là, comme dans la version Wii U, ça te permet juste d'avoir des apparences de Yoshi supplémentaires. Fait que, mettons, là, tu sais, dans la version 3DS, il y a notamment la collection d'Animal Crossing qui est supportée. C'était pas le cas sur Wii U. Mais, je veux dire, quand tu scannes un amiibo Animal Crossing, tout ce que ça va faire, c'est que ça va t'ajouter un Yoshi à l'apparence de Tom Nook ou du villageois. Mais tu sais, ça change rien au niveau du personnage, là. C'est juste une apparence. Mais oui, mais à quoi tu t'attends d'un truc aussi inutile que ça à la base? Ben, j'avais un espoir. Je sais pas, t'en parleras à Joe. Arrête, y en a pas d'espoir. Arrêtez de vivre dans ce monde imaginaire des amiibo qui servent à quelque chose. À part être joli et collectionnable, ça ne sert à rien. Arrêtez de faire semblant. Moi, j'en ai... Comment que j'en ai d'amiibo? Je pense que j'en ai deux ou trois. Mais j'en ai comme un gros zéro. Puis jusqu'à date, là, ils m'ont servi autant que les tiens. C'est cool, hein? Ouais, c'est nice. Bravo. Non, mais il y en a juste un là, que je veux m'acheter prochainement. C'est le Link 8-bit. Là, mais on s'entend, c'est parce que c'est juste un truc de collection. Là, puis ça m'intéresse. Mais c'est juste pour l'aspect collection. Mais pour le... J'ai jamais, honnêtement, utilisé un amiibo dans un jeu. Puis j'ai eu le sentiment que ça m'a été utile. Là. Vraiment pas. Là. Puis c'est la même affaire dans Pucci, Yoshi, Woolly World. Je veux dire, à part pour avoir un semblant de sentiment d'avoir fait une collection d'apparences de Yoshi, là. Ça sert à rien. Ceci étant dit... Avant de changer de sujet, là, te rends-tu compte que la gang de Skylanders, qui n'ont pas fait de jeu cette année... Pour faire des Toys to Life qui se vendaient, il a fallu qu'ils génèrent du matériel en tabarouette. Puis que Nintendo sont arrivés avec à peu près le même principe, mais avec zéro matériel je sais. Qui est supporté. Puis ça se vend bien plus. C'est tout ce que je voulais dire. C'est l'attrait des personnages connus. Hein? Tout le monde le savait, même avant. Quand les Amiibo sont arrivés, là, on a dit, ah oui, c'est sûr que ça va se vendre. Hey, des petites statuettes de Mario, Link et whatever, là, tu sais. Je veux dire, le monde y attendait ça, là, même si ça a une utilité très limitée, mettons, là. Mais, fait que c'est ça. C'est juste pour vous dire, avant que j'oublie, il y a un nouvel Amiibo qui est sorti avec Pushy Yoshi Woolly World, c'est le Mega Pushy. Il est vraiment cute, là. C'est un méga Pushy de laine, là. C'est vraiment, il a été tricoté, là. Il est vraiment cute, un peu comme le méga Yoshi de laine qui est apparu à l'époque de Yoshi Woolly World. Il est vraiment cute. Mais à quoi qu'il sert vraiment dans le jeu, ben, à pas grand chose. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour l'avoir pour vous. Hey, je suis surpris, là, que ça va rien. Ah! Oh! Ben, écoute, il y a une utilité, mais, tu sais, quand tu scannais l'amiibo de Yoshi, de Len, dans Yoshi Woolly World, ça t'ajoutait un autre Yoshi dans le niveau, puis là, il pouvait t'aider, puis tout, sauf que tu te rendais compte que finalement, il te nuisait plus parce qu'il te pilait tout le temps sa tête, là. mais... T'as voulu que tu sois un amiibo, OK? Après tes erreurs. C'est ça. Mais, tu sais, c'est un peu la même affaire avec Pushy, mais il est vraiment cute, là, l'amiibo, c'est pas ça que je dis. Sauf qu'il est quand même assez dispendieux, là. Si je me trompe pas, il vaut 50, 60, je m'en rappelle plus. Il est très gros. 60 piastres d'inutilité, là. Ben, c'est un objet de collection, t'en parleras à Joe. On sait que Joe, il aime ça, collectionner. Ben oui, mais tu sais, son opinion vaut-elle vraiment quelque chose? Il y a une PS VR. Alors, peut-être que vous verrez plus Joe sur ce show. On le sait pas, là. L'humiliation t'attend. Non, mais tout ça pour dire, pour revenir à la question de base, est-ce que ça vaut la peine? Oui, si vous n'y avez pas joué sur Wii U ou si vous n'avez pas de Wii U. Parce que si vous avez une Wii U, achetez la version Wii U. Elle est beaucoup plus belle. Puis c'est ça. Je pense que c'est un meilleur jeu sur Wii U parce que c'est plus beau. C'est plus... je sais pas. C'est plus attachant. C'est plus charmant comme univers que sur 3DS. Mais si vous avez une 3DS et pas de Wii U, c'est un jeu qui en vaut la peine. Si vous êtes un amateur de jeux de plateforme, c'est un très, très solide jeu de plateforme. Personnellement, sur Wii U, je l'ai fait 3 ou 4 fois. Je l'ai refait sur 3DS. J'ai eu du fun. J'ai encore eu du fun à le refaire. Là, je vais un peu m'arrêter. Là, parce que, à un moment donné, Ben oui, il faut que tu ailles faire Resident Evil 7 pour la 12e fois. Oui, ça, écoute, ben là, je l'ai laissé un peu de côté parce que là, j'en ai comme reçu 3 jeux à l'espace d'une semaine, là. Mais inquiète pas, je vais aller faire encore. Imagine les développeurs qui t'envoient des jeux, puis là, ils entendent que t'as fait comme 4 fois Resident Evil, t'as fait 3 fois Yoshi Woolly World, puis là, t'arrives dans une critique, tu dis, ben, je l'ai pas fini celui-là. Comment c'est chien? Tu devrais arrêter de dire que c'était fini ou refait un jeu, ce serait. Non, mais c'est juste pour dire que, tu sais, même si je l'ai fait sur Wii U, tu sais, j'ai encore eu du fun à le refaire sur 3DS, mais c'est ça, tu sais, j'ai vu que je préfère vraiment la version console de ça. Donc, si vous avez pas de Wii U puis vous avez jamais joué sur Wii U, moi, je lui donne un solide 8 sur 10 parce que c'est un excellent jeu de plateforme. Mais si vous y avez joué sur Wii U ou que vous avez une Wii U, c'est pas cette match-là. Ça vaut pas. Laisse. Décroche. Décroche. Hein? Le lien avec le show précédent. Fait que voilà, ben écoute, c'est ça. Hein? Ouais. J'en reviens pas comment que nos chroniques sont adressées vraiment à. Des publics diamétralement opposés. Écoute, même public, hein, c'est ça. Mais voilà. Un show pour tout le monde. Pas tout le temps, là, mais éventuellement, il y a quelque chose qui va te toucher quelque part, là. Ben, j'avoue que ma petite blague au début du show, ça s'adressait pas le sang aux enfants. Là. Ça parlait du show. C'est ça. Daniel, si les gens veulent te retrouver sur le web, ils font ça comment et où? Ah, ben, de différentes façons, en fait. Ils peuvent me rejoindre sur Twitter à DracoADG, sinon sur Facebook avec mon nom courant, mon nom que j'utilise, en tout cas, qui est sur mon permis de conduire, Daniel Carosella, sinon... Celui qui est pas sur ton permis de conduire, c'est lequel? C'est Mamadou de Guinée. fait que ça, c'est mon nom de fraudeur. Ah, OK. Je suis pas un fraudeur, hein, je veux pas perdre ma job. Donc, sinon, sur affairesdegars.com, techno, jeux vidéo, donc je suis dans cette section. Et toi, JB? Sur Twitter, @gangj_B, Facebook, JB Gagné, et vous pouvez aussi m'écouter dans un autre podcast qui s'appelle La POC, où on parle des activités du Canadien de Montréal, de la Ligue nationale. Ça va bien de ce temps-là. Ah, écoute, on a super changé de coach, puis écoute, les victoires, ça pleut. Oui, l'émotion aussi. Non, mais juste 30 secondes, là, juste parce que... Ce show est vraiment pour tout le monde, même les amateurs de hockey. Oui. Non, mais c'est juste que, tu sais, on était censé faire la POC ensemble, puis finalement, ça a comme pas donné, là. Lors du dernier show... C'est tout de ta faute. Oui, je sais. Mais je regardais la dernière game des Canadiens contre les Jets de Winnipeg, et il y avait zéro émotion. Zéro. OK? Zéro. Fait que écoutez la POC pour le reste, Jerry puis JB en ont amplement parlé. C'est cool, il y avait zéro émotion, mais il venait de subir un gros choc de pas de RCR, mais tu sais, les défibrillateurs. Ah oui. Ça a zéro marché. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner dans le court, moyen et long terme pour le Canadien de Montréal à suivre sur la POC. Yes. Pour ce qui est de la réalité augmentée, nous avons notre site internet lerealitéhog.com qui est un dépôt de show. Nous avons nos accès sur les réseaux sociaux @realitéhog pour Twitter, facebook.com/realitéhog et un adresse courriel sur lequel nous vous invitons à nous envoyer des commentaires podcast@realitéhog.com et on vous invite aussi à nous laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes pour nous permettre d'augmenter notre visibilité. Voilà qui fait le tour pour le show de cette semaine. Merci Daniel d'avoir fait un trooper de toi-même, d'être venu faire le show avec moi, parler de John Wick et tu sais, de faire un show mâle! Viril! Ça se peut pas. Et on se dit à la prochaine fois, tout le monde, dans un autre show là, de la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Bye bye. Bye.